Alors bonjour, donc on est là pour vous parler de vos loisirs. Oui. Et ce que j'aimerais faire, c'est donc vous demander de me parler d'un de vos bons souvenirs de loisirs que vous avez eu récemment. J'aimerais bien parler d'un concert qui m'a bien plu il y a quelques temps. Ah super. Donc c'était un concert de quoi ? C'était un concert d'un groupe de heavy metal, j'aime bien le heavy metal. Qui s'appelle Kvelertak, un groupe scandinave. Et c'était où ce concert ? À Saarbrück, en Allemagne, pas loin de chez moi. C'était la première fois que vous voyez ce groupe particulier ? Oui, c'était la première fois. Ouais. Je vais souvent des concerts, mais ce groupe-là, c'était la première fois. Ouais. Est-ce que vous y étiez allé avec des amis ou en groupe ou seul ou c'était quel était? J'étais avec deux ou trois amis avec lesquels je vais souvent des différents concerts. D'accord. Et tout le temps le même type de musique que vous en général. La plupart du temps, oui. Donc c'est le heavy metal. Oui. D'accord. Et les groupes que vous aimez aller voir sont des groupes. En général, scandinave, allemand, il n'y a pas de... c'est un genre qui est déjà divisé en plein de sous-genres et de sous-sous-genres. Mais c'est assez international. Il y a des groupes français, italiens, mais c'est vrai que la plupart sont, on va dire, anglo-saxons ou allemands ou scandinaves. Oui. D'accord. La question... alors, donc Saarbrück, vous y êtes allé, comment vous y êtes allé, en voiture? Vous êtes. Oui, en voiture. Oui, en voiture. Et c'est une grande salle de concert. J'essaie de m'imaginer l'environnement dans lequel vous étiez. Alors, c'est une salle de concert qui s'appelle Le Garage, qui se trouve en centre-ville de Saarbrück, qui n'est pas très grande si on a l'habitude d'aller voir des concerts au Stade de France, mais qui peut accueillir, je pense, 500 personnes peut-être. Et pardon, j'ai pas noté, c'était quand ce concert? C'était récemment? C'est pas très récent, j'étais à pas mal de concerts entre-temps, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant, mais voilà, celui-là m'a particulièrement marqué. Oui, et donc est-ce que vous voudriez bien me dire ce qui vous a particulièrement... Pourquoi c'est ce concert-là dont vous décidez de me parler et pas un autre? Qu'est-ce qui était particulièrement... Alors, il y a plein de choses. Déjà, le fait que j'aime bien cette salle-là, parce que contrairement à d'autres salles, elle est en centre-ville, justement. Donc, il y a des choses à faire autour. On peut aller boire un verre avant, après, etc. Manger un morceau. Alors que d'autres salles sont au milieu des friches. Donc, on va voir son concert et puis on part. Donc, il y a rien d'autre à faire. Donc, déjà, j'aime bien donc, cette salle de concert-là. Ensuite, c'est un groupe que je découvrais un petit peu, que je connaissais, dont j'avais entendu les albums, mais qui le rend vraiment différemment en concert. Parce qu'il, c'est un groupe qui est très impliqué en concert, vraiment, on voit qu'ils aiment ça. Mm-hmm. Et ensuite, c'était un concert que je suis allé voir après une longue période pendant laquelle j'ai pas trop pu aller voir de concert, parce que voilà, il y a eu la naissance de ma fille, etc. Donc il y a eu quelques mois qui étaient un petit peu plus chargés. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait manqué un petit peu. Donc je pense que j'ai pu profiter aussi à cause de ça. Alors donc vous avez décrit le lieu, mais donc vous aimez bien cette salle en particulier. Oui. Donc à la fois pour sa situation en centre-ville. Parce qu'elle est assez petite. Est-ce que vous avez des expériences de concerts dans des grandes salles? Vous avez dit le stade. Vous connaissez des concerts du Stade de France? Alors, je suis jamais allé voir de concert au Stade de France. Je suis allé plusieurs fois à des grands festivals. C'est vrai que c'est des ambiances qui sont différentes. Il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de monde. On est beaucoup loin de la scène. On est beaucoup plus loin de la scène. Tandis que là, c'est des salles où on est vraiment assez près. Et aussi, il faut dire que dans les grands festivals qui durent ne serait-ce que sur une journée ou sur plusieurs jours, à un moment donné, il y a un paramètre fatigue qui rentre en compte, qui fait qu'au bout d'un moment, on profite moins, je dirais, du concert. D'accord. Comment est-ce que vous avez été d'abord introduit au heavy metal? C'est quelque chose que vous avez découvert dans votre adolescence ou c'est Oui, en fait, c'est choses dans lesquelles on n'entre pas forcément directement, parce que c'est vrai que c'est un style qui est assez agressif la plupart du temps, donc quand on ne connaît pas, ça peut rebuter. Disons que quand j'étais au lycée, j'avais commencé à écouter certains groupes classiques de rock comme Nirvana, etc. Et puis, quand je suis arrivé à la... Mon lycée était dans une petite ville. Hein. Puis quand je suis arrivé à la fac, j'ai eu accès à la médiathèque de la ville, de Metz, qui était très fournie en matière de heavy metal, parce que je crois l'un des employés là-bas était lui-même un grand fan. Donc j'ai commencé à emprunter des choses, puis de fil en aiguille, je suis venu à apprécier ça. Et donc ce groupe en particulier, j'ai pas noté le nom, qu'est-ce que... Ça s'appelle Kvelertak. Je crois que ça veut dire K-V-E-L-E-R-T-A-K. T-A-K. Et est-ce que vous avez eu d'autres occasions de les voir depuis ou... Non, il y a eu une occasion ratée. Il devait passer en première partie d'un autre grand groupe, mais pour une raison indépendante de ma volonté, je suis arrivé en retard et je les ai ratés. Voilà. Et vous espérez pouvoir les revoir à une autre occasion ? Peut-être, il y a un nouvel album qui est sorti, donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle tournée. Et est-ce que par rapport à... Donc vous avez dit, parfois ils sont en introduction d'un autre groupe. Oui. Donc est-ce que ça permet aussi de découvrir d'autres groupes similaires ou, Alors la fois que je les ai vus, ils étaient en tête d'affiche. Je ne me souviens pas de groupe de première partie, donc ça ne m'a pas marqué. Mais c'est vrai que parfois les premières parties, ça permet de découvrir des groupes qu'on ne connaissait pas, parce qu'on est venu voir les têtes d'affiche. Donc c'est l'occasion de se diversifier un petit peu, d'avoir des bonnes surprises. Et la scène de heavy metal dans votre région est assez développée ou... Oui, justement, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que je suis dans un... C'est-à-dire que c'est un genre qui est assez sous-représenté en France. Et donc en dehors de très grandes villes comme Paris ou la région parisienne ou Lyon, il est difficile de voir des concerts. Par contre, en Allemagne ou au Luxembourg, ou en Alsace, je dirais, les concerts sont assez fréquents et de bonne qualité. D'accord. Et donc, vous avez dit que c'est avec un groupe d'amis que vous allez en général à ces concerts. Oui. C'est le même groupe d'amis que à chaque fois que vous allez. Je dirais qu'il y a un petit noyau dur, deux ou trois personnes, et puis d'autres qui sont déjà moins réguliers des concerts. En fait, ça s'organise souvent par covoiturage. Donc, on est deux ou trois qui y allons souvent, et de temps en temps, l'un amène à de ses copains, donc on rencontre des gens, en plus, donc c'est agréable. Et pour choisir les concerts auxquels vous allez aller, donc c'est assez organique du coup. Organique. Ça se passe assez naturellement. Quelqu'un voit une affiche, propose à un groupe, ça fait tourner. Ou est-ce que parfois vous n'êtes pas d'accord à quel concert vous allez les voir ou Ça se passe par Internet. D'accord. La plupart du temps, on suit les, par exemple les pages des groupes en question sur Facebook. On surveille un petit peu la programmation des salles. Pour lesquels on sait qu'il peut y avoir ce genre de concert. Et si telle personne ne veut pas aller à tel concert, ben on ira sans, ou alors j'y vais parfois seul, enfin voilà. Ah, ça doit être une expérience assez intéressante d'aller seul à un concert. Oui, c'est vrai que c'est différent, ouais. Différent. C'est vrai que c'est différent. Je pourrais pas dire en quoi c'est différent, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on est... C'est l'activité qu'on fait habituer plus souvent en groupe, que certains refuseraient même de faire tout seul. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas. J'y vais avant tout pour la musique. Si en plus on peut passer un bon moment entre copains, boire un coup, c'est bien, mais j'y vais avant tout pour la musique. Donc c'est à la fois pour la musique et pour l'ambiance. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours une bonne ambiance. Sociale. Eh bien, je vous remercie pour ce moment parler de votre expérience de loisir. Merci. Merci.